Quand j'ai eu l'idée de faire ce podcast, je pensais que j'allais parler du confinement au passé. Je pensais qu'il ne serait qu'un lointain souvenir, dans lequel j'allais devoir me replonger. Puis j'ai appris qu'à nouveau, il allait faire partie de mon quotidien et de celui de millions de personnes. Je me suis rendu compte du fait que tous ces lieux que je m'étais réjoui de retrouver, les théâtres, les salles de concert, tout cela allait être à nouveau fermé. J'ai éprouvé une forme de nostalgie en repensant à mes dernières sorties et à ces retrouvailles un peu rapides. Et j'ai compris que cette fin d'automne allait sans doute être bien différente de celle que j'avais imaginée. Novembre 2020, je ne verrai pas ton automne. Paris dans sa mélancolie, sa routine monotone. S'abandonne comme s'abandonnent mes espoirs. Et me voilà qui frissonne de peur de ne plus se revoir. Pour combien de temps serons-nous absents? Et combien de fois? Je ne le sais pas. Peut-on garder un lien avec les arts de la scène quand les salles de spectacle sont fermées? Et si cela est possible, y parvient-on nécessairement? Ce sont les questions que je me suis posées et auxquelles ont répondu plusieurs personnes. Alors pour le premier confinement, j'ai plutôt bien réussi à garder lien avec les arts de la scène, surtout avec le théâtre. Parce qu'en fait, c'est là que j'ai vraiment découvert qu'il y avait plein de captations sur Internet, donc plein de captations gratuites. Donc je me suis dit, c'est super, je peux rattraper plein de trucs, donc j'en ai vu quand même plusieurs. Et en fait, au deuxième confinement, c'était plus du tout le même état d'esprit. Là, je n'avais juste pas l'énergie de me poser devant une captation qui dure souvent 2 ou 3 heures pour le théâtre. Et non, j'avais plus la motivation de me dire... de m'astreindre en fait à regarder ça, sachant que je ne suis pas dans le contexte d'une salle de théâtre. Donc non, pour le deuxième confinement, je n'ai pas réussi à garder de lien. Je suis parvenue à garder un lien avec les arts de la scène pendant le confinement, grâce à certains lieux qui ont mis des spectacles à regarder en différé. Donc par exemple l'Opéra de Paris qui a mis certains de ses spectacles, enfin qui mettaient ses spectacles en ligne, donc j'ai pu regarder pas mal de ballets. Enfin, il y a aussi la radio qui permettait d'écouter des concerts qui avaient lieu, même si c'était dans des salles vides, on pouvait quand même écouter. Enfin, il y a aussi par exemple les chaînes télé comme Arte Concert qui montrent le concert en direct et puis le laissent après quelques semaines en différé, comme ça c'est possible de regarder. Donc ça a été la manière pour moi de pouvoir garder un lien. J'ai pas trop gardé de lien avec les arts de la scène pendant le confinement, pas du tout en fait, parce que j'étais confinée à la campagne avec des amis, donc j'avais rien qui me rappelait le spectacle vivant, on va dire, sous mes yeux quand je sortais, et j'avais pas la tête à passer du temps sur internet pour aller voir des captations et tout ça. Est-ce que j'arrive à garder un lien avec les arts de la scène pendant le confinement? J'essaie pas mal de regarder des vidéos sur YouTube notamment des vidéos d'artistes ou des choses comme ça, et j'essaie un peu de trouver des moyens d'avoir accès à notamment de la musique et à des concerts par YouTube et par globalement Internet, mais autrement, pour garder un lien avec les arts de la scène, ça reste quand même un peu compliqué, quoi. Les spectateurs et les arts de la scène, différents projets artistiques ont vu le jour durant le confinement. Des appels téléphoniques ont été mis en place par plusieurs salles de spectacle, comme le Théâtre de la Colline avec le dispositif Au creux de l'oreille. J'ai été appelée le 5 juin de l'été dernier. Donc c'était peu après mon confinement et... J'étais appelée pour mon anniversaire, c'était une surprise de ma mère. Et donc c'était dans le cadre au creux de l'oreille du Théâtre de la Colline. Et j'ai eu un appel de Maroushka Detmers, une actrice, qui m'a lu une lettre de Maria Cazares à Albert Camus. Et c'est vrai que ça a été un moment assez intense finalement. Parce que je crois que je l'ai eu au téléphone quasiment une demi-heure. Et elle m'a raconté son histoire à elle. Elle m'a raconté l'histoire de Maria Cazares et d'Albert Camus. Et elle m'a lu cette lettre avec beaucoup d'émotions. Où elle pleurait quand il y avait du désespoir. Et elle était joyeuse et explosive quand elle était heureuse dans cette lettre. Et c'était une sensation assez particulière où on a l'impression d'être Albert Camus, donc de recevoir ce qu'elle nous dit au téléphone. Et en même temps, on a l'impression d'être Maria Cazares et de ressentir ce qu'elle ressent. C'est vrai que j'ai beaucoup aimé cet appel parce que déjà ça m'a permis de découvrir une actrice que je ne connaissais pas et qui m'a parlé de sa vie après, qui m'a parlé de sa fille, qui m'a parlé de son mari. Et c'était vraiment une relation d'intimité avec des personnes qui d'habitude avec qui on a une distance. Et là on était vraiment proches, elle était là pour me parler et j'étais là pour l'écouter et lui parler. Mais j'ai beaucoup aussi apprécié cette lecture que je n'avais pas choisie et aussi ce rapport d'intimité donc avec Maria Cazares finalement et par son texte. Et c'est vrai que cet appel a vraiment illuminé ma journée. Après c'était vraiment pour moi un renouveau, comme je n'avais pas pu aller au théâtre depuis très longtemps. J'étais vraiment ravie de pouvoir enfin revivre les sensations que j'avais au théâtre, mais chez moi, dans cette intimité. En février 2020, le Théâtre de la Ville a lancé le projet des consultations poétiques. Le principe est simple. Vous rencontrez un consultant poétique, vous échangez, et il vous propose un remède prenant la forme de la lecture d'un texte. Durant le confinement, ces consultations se déroulent au téléphone. Poussée par la curiosité, puis sans doute par une envie de renouer contact avec les arts de la scène, j'ai voulu moi aussi découvrir ces expériences. Nous sommes le jeudi 29 octobre 2020, dernière journée avant le début du second confinement. Il est aux alentours de 18h30 quand mon téléphone sonne. Je ne suis pas surprise. À vrai dire, j'attends même un peu cet appel. Une voix inconnue est au bout du fil, celle d'un comédien du théâtre de la ville. C'est ma première consultation poétique. On me demande comment je vais, comment j'ai vécu cette annonce d'un second confinement. Je me livre, je lui fais part de mon état d'esprit et de ma frustration. Il me lit le poème « À l'arc de triomphe » de Victor Hugo. Oh, Paris est la cité mère. Paris est le lieu solennel où le tourbillon éphémère tourne sur un centre éternel. Paris, feu sombre ou pure étoile, morne Isis couverte d'un voile, araignée à l'immense toile où se prennent les nations. Fontaine d'urne obsédée, mamelle sans cesse inondée, où pour se nourrir de l'idée viennent les générations. Quand Paris se met à l'ouvrage, dans sa forge aux mille clameurs, à tout peuple, heureux, brave ou sage, il prend ses lois, ses dieux, ses mœurs. Dans sa fournaise pêle-mêle, il fond, transforme et renouvelle cette science universelle qu'il emprunte à tous les humains. Puis il rejette au peuple blême leurs spectres et leurs diadèmes, leurs préjugés et leurs systèmes, tout tordus par ses fortes mains. Paris qui garde sans y croire les faisceaux et les encensoirs, tous les matins dresse une gloire, éteint un soleil tous les soirs, avec l'idée, avec le glaive, avec la chose, avec le rêve. Il refait, recloue et relève l'échelle de la terre aux cieux, frère des mêmes fils et des Roms, il bâtit au siècle où nous sommes une Babel pour tous les hommes, un panthéon pour tous les dieux, ville qu'un orage enveloppe. C'est elle, hélas, qui, nuit et jour, réveille le géant Europe avec sa cloche et son tambour. Sans cesse qu'il veille ou qu'il dorme, il entend la cité difforme bourdonner sur sa tête énorme comme un essaim dans la forêt. Toujours Paris s'écrie et gronde, nul ne sait. Question profonde, ce que perdrait le bruit du monde le jour où Paris se tairait. Le théâtre universitaire de Dijon a également utilisé le téléphone comme moyen de maintenir un lien entre les spectateurs et les artistes avec la mise en place de permanences poétiques. Alors, j'ai participé à un dispositif mis en place par le théâtre universitaire de Dijon qui proposait une permanence poétique. C'est-à-dire que les gens pouvaient appeler des numéros qui étaient proposés sur une affiche. Sur l'affiche, chaque numéro était associé à un poème. Et lorsque on appelait le numéro qu'on choisissait, la personne au bout du fil nous faisait entendre un poème, soit un poème que elle-même avait composé, soit un poème qu'elle aimait bien. Et donc ce dispositif, moi j'ai beaucoup aimé parce que c'était assez touchant, assez original. Et surtout, on savait pas vraiment à quoi s'attendre, parce que à chaque poème, on entendait une voix différente, donc une façon de lire totalement différente. Et parfois, la personne riait, parfois elle en faisait des tonnes, parfois c'était très neutre. Parfois, la personne raccrochait direct après le poème. Je me souviens que j'avais entendu un poème qui m'avait beaucoup touchée, de Rimbaud. Et j'avais souri tout le long. Bien sûr, du coup, personne pouvait le voir parce que c'était au téléphone, mais ça m'avait fait plaisir. Et je me rappelle que à la fin d'une conversation téléphonique, la personne que j'avais au bout du fil, on avait un peu discuté, et je lui avais demandé comment c'était l'expérience d'être la personne qui récite le poème. Elle m'avait dit que c'était super parce que on savait jamais sur qui on pouvait tomber. En fait, la personne à l'autre bout du fil est dans la même situation que nous. C'est-à-dire, c'est aussi pour elle une expérience de rencontre. Et en fait, tout ça, ça a été organisé par un atelier du théâtre universitaire qui s'appelle BUIPEP. Donc ça veut dire Brigade d'intervention universitaire dans poétique dans l'espace public. Et c'était un atelier qui prenait le parti de d'intervenir comme ça avec des textes qu'ils avaient écrits ou des trucs complètement cons, genre des chansons de la compagnie créole qui chantaient sous un arrêt de bus comme ça aux gens qui sont complètement médusés, qui sont là « qu'est-ce que c'est que ce truc ?» Je me rappelle qu'ils avaient fait une fausse déclaration d'amour aussi dans un bus. Et que les gens autour, le but c'est de donner aux gens autour un moment complètement inattendu et complètement, enfin, de leur faire ressentir un truc quoi, une étincelle, un petit plaisir comme ça, quelque chose qu'on voit pas parce que les gens font jamais ça quoi dans l'espace public, parce que justement c'est l'espace public. Et donc, avec le confinement, ils pouvaient plus faire ça dans l'espace public, donc ils ont décidé de le faire au téléphone. Le 27 novembre, mon téléphone sonne à nouveau. Cette fois-ci, je suis un peu surprise. Je n'avais pas vu le temps passer. Je me trouve en ligne avec un musicien, dans le cadre d'une consultation musicale organisée par le Théâtre de la Ville. Je ne réalise pas vraiment que pendant que je suis là, dans ma chambre, l'oreille collée à mon téléphone, quelqu'un joue de la guitare électrique à l'autre bout du fil. Thank you. Nous sommes le 13 décembre, au moment où j'écris ce texte. La réouverture des théâtres et des salles de concert était initialement prévue dans 2 jours. Mais jeudi dernier, le 10 décembre, le Premier ministre a annoncé le maintien de la fermeture des lieux culturels pour une durée d'encore 3 semaines, nous amenant à la date du 7 janvier. L'annonce suscite de l'indignation et de la déception dans le monde de la culture. Quand pourra-t-on retourner dans les salles de spectacle ? J'ai l'impression d'avoir perdu la notion du temps, que le monde est en pause, et j'ai très hâte que cette parenthèse se termine, que la vie reprenne son cours, que les salles de spectacle rouvrent leurs portes. Temps arrêté, rideau fermé, temps suspendu, spectacle n'est plus, tentative vaine, passe les semaines, tant bien que mal, rouvre les salles. How long will we have to wait, recalling the past with regret? How long will we have to live like this? Why does future seem so unclear? Tant bien triste pour les artistes, tant tragique pour le public, tant trop long, remise en question, tant pis pour nous, tant pour vous, tempête, tornade, tout devient fade, tentation, mais attention, temps écoulé, l'heure est passée, tant des au revoir, à demain, bonsoir. How long we have to wait, recalling the past with regret. How long we have to live like this? Why does future seem so unclear? Tant d'efforts et tant de force, tant de moi que l'on s'efforce de patienter, se demandant quand le spectacle redeviendra vivant.